Il y a deux sortes de souffrances dans ce monde. La souffrance qui blesse. Et celle qui nous change. Sec. Écoute le retentir, je donne tout pour me repentir. Tu donnerais tout pour qu'il t'accepte, je me calme par le cash. Sans échange ni faire de gros cédés, je veux pas de partage. Juste un échange de bons procédés sous mon air angélique. En cabine, j'invoque tous mes démons. Justifie mes dires par un sourire, invoque tous mes démons qui gardent leur seum. Ils s'imaginent que j'attends quoi de qui, qu'en donnant tout ce qu'ils ont, j'attends de toi de qu'ils. J'rappe sans prétention, pas de sommeur inouï. Ce qui nous a pas descendu sera sûrement ce qui nouit. C'est le cœur endurci, petit à petit, grignoté par les rats. Didactique, je les mate et grimnoté par les raps. Je m'éloigne un petit pas, affalé, sur mes lauriers fanés. Les moins actifs parlent, rafalés, mais l'ignorer fallé. Des projectiles, à mon égard, imputrescibles. Je reste concentré sur mes objectifs et garde un but précis. Mes auditeurs me feront pas des tocas. J'avancerai tout seul et chine entaillé. Mes maudits pleurs me feront pas des taux calmes. J'balancerai tout le seum et le chine dans le cahier. Mes auditeurs me feront pas des tocas. J'avancerai tout seul et chine entaillé. Mes maudits pleurs me feront pas des taux calmes. J'balancerai tout le seum et le chine dans le cahier.